Chapitre 2e. Madame Blumenthal, pour le moment, semblait avoir renoncé au cours sale. Son jeune ami lui fournissait sans doute le sujet d'une étude intéressante, et elle tenait à s'y livrer sans distraction. Cependant, je l'aperçus enfin un soir à l'opéra, et dans sa loge, elle me parut plus belle que lors de la première rencontre. Adelina Patti chantait, et le rideau levé, je ne m'occupais que de ce qui se passait sur la scène. À la fin du premier acte, je vis que l'auteur de Cléopâtre avait pour cavalier son jeune admirateur. Il se tenait derrière elle, regardant par-dessus son épaule et l'écoutant d'un air charmé, tandis que la dame agitait son éventail avec lenteur. Elle parcourait des yeux la salle, et je me figure que ceux des spectateurs dont elle parlait n'auraient pas été ravis de l'entendre. La lorgnette de Pickering suivait les indications qu'on lui donnait. Ses lèvres demeuraient entr'ouvertes, comme cela lui arrivait chaque fois qu'une conversation l'intéressait. Je crus que le moment serait opportun pour aller présenter mes hommages. Mais l'arrivée d'une vieille connaissance qui vint occuper une stalle à côté de la mienne m'obligea à retarder ma visite. Je ne le regrettais pas, car personne ne devait être plus à même que mon voisin de réduire en prose raisonnable les rhapsodies lyriques de Gênes. Niedermayer, quoique diplomate et autrichien, était assez bavard. Il connaissait un peu tout le monde. « Savez-vous, lui demandai-je après avoir échangé avec lui quelques paroles, qui est et ce qu'est cette dame en robe bleue que vous lorgniez en ce moment ? Qui elle est ? Répliqua Niedermayer en abaissant sa lorgnette. « Elle se nomme Madame Blumenthal. Ce qu'elle est ? Il faudrait du temps pour le raconter. Faites-vous présenter. Rien de plus facile. Vous la trouverez charmante et, au bout d'une huitaine de jours, vous me direz ce qu'elle est. » Je n'en répondrai pas. Mon ami qui l'accompagne ce soir la connaît depuis plus d'une semaine et je ne le crois pas encore à même de la bien juger. Je crains que votre ami ne soit un peu épris. Pauvre garçon, il n'est pas le seul. Elle paraît vraiment fort jolie d'ici. C'est étonnant comme ces femmes-là se conservent. Ces femmes-là? Vous ne voulez pas donner à entendre que Madame Blumenthal n'est pas une dame très respectable? Oui et non. C'est elle-même qui a formé l'espèce d'atmosphère qui l'entoure. Il n'y a cependant aucun motif pour baisser la voix en prononçant son nom. Mais certaines femmes ne sont satisfaites que lorsqu'elles se sont mises dans une position équivoque. À leurs yeux, l'attitude de la vertu a une raideur disgracieuse. Ne me demandez pas une opinion, contentez-vous de quelques faits. Madame Blumenthal est prussienne et bien née. J'ai connu sa mère, fière comtesse westphalienne. Par malheur, elle était pauvre, et Flora s'est résignée à épouser un juif deux fois plus âgé qu'elle et qui n'a laissé qu'une fortune très modeste. Elle doit avoir de 30 à 35 ans. L'hiver, elle fait parler d'elle à Berlin, où elle donne de petits soupers à la bohème du cru. L'été, on la voit assez souvent autour des tapis verts d'Ems ou de Wiesbaden. Elle a beaucoup d'esprit, et son esprit l'a gâtée. Un an après son mariage, elle a publié un roman où elle développe ses idées matrimoniales. Depuis, elle a composé un tas d'ouvrages, romans, poèmes, brochures sur tous les sujets imaginables, depuis la conversion de Lola Montes jusqu'à la philosophie hegélienne. Ses théories ont froissé le monde. Un beau jour, voyant que la société lui tournait le dos, elle a déclaré qu'elle voulait désormais vivre d'une vie intellectuelle et respirer l'air de la liberté. Tout cela ne l'empêche pas d'avoir tourné la tête à plus d'un homme distingué. Dieu vous garde des femmes dont l'imagination envahit la place où devrait se trouver le cœur. Mais le rideau se lève. Adelina Patti chanta admirablement. Néanmoins, ma curiosité était si bien éveillée que sa voix ne diminua pas le désir que j'éprouvais de voir Madame Blumenthal face à face. Dès que le second acte fut terminé, je me dirigeai vers sa loge où Pickering s'empressa de m'introduire. Rien de plus gracieux que l'accueil de la dame, et je reconnus, non sans un peu de surprise, qu'elle ne perdait pas à être admirée de près. Je n'ai jamais vu un regard plus doux, plus profond, plus caressant. En dépit d'une certaine lassitude que trahissait sa physionomie, ses mouvements et le ton de sa voix, surtout lorsqu'elle riait, avaient une franchise et une spontanéité presque enfantine. Ses yeux gris vous fascinaient, mais sa manière de souligner ses paroles par un geste me sembla légèrement déclamatoire. Et je me demandais si sa conversation ne devait pas bientôt fatiguer un auditeur impartial. Lorsque je rencontrais son regard, je me dis qu'il faudrait l'écouter longtemps avant d'être disposé à rompre l'entretien. Je lui répétais, en m'asseyant auprès d'elle, les choses élogieuses que mon ami prodiguait sur son compte. Les yeux fixés sur moi, elle me laissa dérouler mon écheveau et exagérer un peu. « Quoi, vraiment ? s'écria-t-elle en se retournant tout à coup vers Pickering, qui se tenait debout derrière nous. « C'est ainsi que vous parlez de moi. » Il rougit jusqu'au front, et j'éprouvai un remords tardif. Nous parlâmes ensuite de choses et d'autres. Je lui adressai des compliments sur la pureté de son accent anglais, et je lui demandai s'il avait visité l'Angleterre. « Le ciel m'en préserve !» s'écria-t-elle. « Je déteste l'aristocratie. Je suis démocrate et je ne m'en cache pas. Quoique fille des croisés, née au sein de la féodalité, je suis une révolutionnaire. J'ai une passion pour la liberté. La liberté illimitée. C'est dans votre république que je voudrais me réfugier. Quel merveilleux spectacle, qu'un grand peuple libre de faire ce qui lui plaît et ne faisant rien de mal. » Je répondis modestement qu'après tout, les libertés, pas plus que les vertus d'un Américain, ne sont illimitées. « N'importe, n'importe, » répliqua-t-elle, en désignant Pickering avec son éventail. « J'aimerais avoir le pays qui a produit ce merveilleux jeune homme. Ce doit être une sorte d'Arcadie, une reproduction de l'âge d'or. Monsieur Pickering dit les choses les plus naïves du monde, et après avoir souri de leur simplicité, je m'aperçois tout à coup qu'elles sont très sensées, et j'y pense sans cesse. C'est vrai, » ajouta-t-elle en s'adressant à un jeune. « J'appelle vos naïvetés des solécismes inspirés, et j'en fais mon profit. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que je rirai de vous. » Pickering se trouvait dans cet état de béatitude où les sourires et les froncements de sourcils de la bien-aimée pèsent du même poids dans la balance. Il me regarda d'un air qui semblait dire « Cite-moi une femme qui a autant d'esprit, autant de grâce. » Je me figure qu'il ne saisissait que vaguement le sens des paroles de Madame Blumenthal, dont les gestes, la voix et les coups d'œil se confondaient pour lui dans une harmonie irrésistible. Le spectacle d'une pareille infatuation a quelque chose de pénible. Je me dispensai donc de répondre au défi de Pickering, et je me mis à rendre hommage au talent de Madame Adelina Patti. Madame Blumenthal, comme il convenait à une vraie révolutionnaire, fut obligée d'avouer qu'elle n'admirait pas trop le chant de la diva. « Cela manque d'âme, » dit-elle. « Pour faire une grande artiste, il faut une grande passion. » Avant que j'eusse le temps de réfuter ou d'approuver l'axiome, la voix de la Patti s'éleva et fit pleuvoir sur la salle ses notes argentines. « Ah, donnez-moi cet art, » murmurai-je en me levant, « et je vous laisserai la passion. » Après avoir regagné ma stalle, je me demandais si mes paroles n'avaient pas froissé mon interlocutrice. Le signe de tête amical qu'elle m'adressa à la sortie me rassura. Elle était au bras de Pickering, attendant sa voiture. À Hambourg, les distances à parcourir ne sont pas longues, mais il pleuvait, et Madame Blumenthal montra un joli pied chaussé de satin pour expliquer qu'elle ne pouvait rentrer à pied. Pickering nous laissa un instant pour aller à la recherche du véhicule, et ma compagne profita de l'occasion pour me prier de venir la voir. Elle avait des raisons pour désirer causer avec moi. Je répondis naturellement que son désir seul était une raison suffisante pour moi. Elle me remercia par un de ses regards profonds, si audacieux dans leur candeur, et déclara que je faisais plus de compliments que mon ami, bien qu'elle doutât que je fusse aussi sincère. « C'est de lui que je tiens à causer avec vous, » ajouta-t-elle. « J'ai beaucoup de choses à vous demander. Il faudra que vous m'appreniez tout ce que vous savez sur son compte, car il m'intéresse, et j'ai des sympathies si intenses, une imagination si vive, que je ne me fie pas à mes propres impressions. Elles m'ont trompé plus d'une fois. » Je promis de lui rendre visite, et nous la quittâmes après l'avoir installée dans sa voiture. Pickering me proposa une promenade sous la longue galerie vitrée du Cours-Sal. Je ne tardais pas à reconnaître que je me promenais avec un homme éperdument amoureux. Il m'annonça, entre autres choses, que Madame Blumenthal avait été pour lui une révélation. « Tu n'as pas pu la juger ce soir, » me dit-il, « si tu pouvais seulement l'entendre raconter ses aventures. » Elle en a donc à raconter. « Les aventures les plus étranges !» s'écria Pickering avec enthousiasme. « Elle n'a pas végété comme moi. Elle a vécu dans le tumulte de la vie. Lorsque j'écoute ses souvenirs, il me semble entendre l'ouverture d'une symphonie de Beethoven. » Je ne pus que m'incliner. Mais comme je tenais à savoir ce qu'était devenue la conscience qui le troublait naguère, je lui dis « Mon cher, tu es tout simplement amoureux. » Il parut aussi ravi d'apprendre la nouvelle que s'il ne la connaissait pas. « C'est ce que Madame Blumenthal m'a dit pas plus tard que ce matin, » répliqua-t-il. « Nous sommes partis ensemble pour visiter les ruines du château de Königstein. Nous avons grimpé jusqu'au sommet de la tourelle la plus élevée, où nous sommes restés pendant une heure. » Le silence solennel de l'endroit délia ma langue et, tandis qu'elle se tenait assise sur un pan de mur couvert de lierre, j'ai fait une sorte de discours. Elle m'a écouté, les yeux fixés sur moi, arrachant de temps à autre un fragment de pierre qu'elle laissait tomber dans la vallée. Enfin, elle se leva et me contempla hochant la tête à deux ou trois reprises. « Vous êtes amoureux, » dit-elle, « la chose est certaine. » Puis, elle se mit à lancer des cailloux dans l'espace sans ajouter un mot. Toutefois, avant de descendre, elle ajouta que mon discours méritait une réponse. Elle me remerciait cordialement, mais elle ne voulait pas profiter de mon expérience pour me prendre au mot. Je ne connaissais pas le monde, je me laissais séduire trop aisément, et je la croyais meilleure qu'elle ne l'était. Je n'avais pas encore eu le temps de découvrir ses défauts. Si, après avoir eu l'occasion de la comparer à d'autres femmes, plus jeunes, plus simples, mes sentiments ne changeaient pas, elle ne refuserait pas de m'écouter de nouveau. Je lui ai juré que je ne craignais pas de lui préférer une autre femme, et alors elle a répété « Heureux mortel, vous êtes amoureux, bien amoureux. » Deux jours plus tard, je me présentais chez Madame Blumenthal, ne sachant trop que penser d'elle. Il est prouvé qu'il existe çà et là certaines gens que l'on peut qualifier de comédiens sincères, certains esprits qui cultivent de bonne foi les émotions factices. C'était le cas de celle que mon ami le diplomate nommait si cavalièrement Flora, ou du moins je le craignais. Cependant, l'offre qu'elle avait faite de soumettre l'adoration de Pickering à une épreuve hasardeuse me rassurait un peu. Elle me reçut dans un salon encombré de livres et de journaux. Un des côtés de la chambre était occupé par un piano orné d'un vase où s'épanouissait un immense bouquet de roses blanches. Je trouvai mon hôtesse plongée dans une bergère. Le but de ma visite n'était pas d'admirer Madame Blumenthal pour mon propre compte, mais de m'assurer jusqu'à quel point il convenait de la laisser agir. Elle avait exprimé des doutes sur ma sincérité le soir de notre première rencontre. Aussi eus-je soin, cette fois, de m'abstenir de tout compliment et de ne point la mettre en garde contre ma pénétration. Je voulais déchiffrer une énigme, et j'avoue que je fus puni de ma prétention par une éclipse de ma perspicacité habituelle. Elle prenait des pauses si gracieuses, elle écoutait mes réponses avec un intérêt si naïf, qu'au bout d'une demi-heure je n'aurais pas hésité à reconnaître avec Pickering que c'était une femme merveilleuse. Cette demi-heure, je n'aime pas à me la rappeler. Le résultat fut de me démontrer plus tard que l'on peut être charmé par une personne qui remplace le cœur par l'imagination. Elle m'avait franchement avoué qu'elle désirait apprendre de moi tout ce que je savais sur le compte de mon ami. Elle me questionna donc sur sa famille, ses antécédents et son caractère. Rien de plus naturel de la part d'une veuve qui avait reçu une déclaration d'amour. Elle m'interrogeait avec une sollicitude si contenue, si flatteuse pour Pickering, que j'aurais été presque tenté de mentir plutôt que de ne pas faire son éloge. « Après tout, lui dis-je, vous le connaissez mieux que moi, car avant de le retrouver à Hambourg, je ne l'avais pas revu depuis son enfance. » « Oui, mais je sais aussi que vous êtes son confident, » répliqua-t-elle. « Il se montre très franc avec moi, et je sens pourtant qu'il me cache quelque chose. J'ai contracté plus d'une amitié dans ma vie, grâce au ciel, et aucune ne m'a jamais été plus chère que celle-ci. Néanmoins, je me désole de voir que mon ami ne m'accorde pas toute sa confiance. Je devine qu'il souffre d'un chagrin secret. Pauvre moi, s'il savait seulement combien je lui suis attaché et combien je désire son bonheur. » Cet aveu qui semblait si désintéressé, puisqu'il s'adressait à un tiers, m'inspira l'espoir de faire jouer à Madame Blumenthal le rôle de la Providence. Le secret que l'on n'avait pas eu le courage de lui révéler, c'était le projet de mariage avec Mademoiselle Vernor. Le visage ingénu de la jeune fille m'avait frappé, et je ne pouvais m'empêcher de penser que Pickering risquait de tomber plus mal. Les paroles de Madame Blumenthal m'autorisaient à croire qu'elle serait de mon avis. Après un moment d'hésitation, je lui confiai que mon ami avait en effet un secret. Je lui racontai alors quelle promesse il avait faite à son père mourant, promesse à laquelle il ne pouvait manquer sans s'exposer à des remords qui troubleraient son repos. Elle m'écouta avec beaucoup d'attention et sans paraître irritée le moins du monde. « Quel joli conte !» s'écria-t-elle lorsque j'eus achevé mon récit. « Quelle situation romanesque !» Il n'est pas étonnant que ce pauvre M. Pickering ait eu des velléités de révolte et qu'il désire retarder l'heure de la soumission. Et cette petite fille de Smyrne qui attend le jeune prince américain comme une héroïne des mille et une nuits. Je donnerais beaucoup pour voir sa photographie. Croyez-vous qu'il me la montrerait? Ne craignez rien, je serai discrète. Oui, c'est un joli roman. Si je l'avais inventé, on le trouverait absolument improbable. Elle se leva ensuite et fit deux ou trois tours dans le salon, se souriant à elle-même. Tout à coup, elle s'arrêta devant le piano avec un petit éclat de rire. L'instant d'après, elle se cacha le visage dans l'énorme bouquet de roses. Il était temps de prendre congé, et je ne voulais pas m'éloigner sans savoir si, tout en plaignant le jeune homme de Hombourg, elle n'éprouvait pas aussi un peu de pitié pour la petite fille qui l'attendait à Smyrne. Vous devinez naturellement dans quel espoir je vous ai raconté tout cela, dis-je en me levant. Elle avait pris une des roses et l'attachait à son corsage. Elle leva vivement la tête et s'écria « Laissez-moi faire, il m'intéresse !» Je dus me contenter de cette réponse. Le jour suivant, je me repentis plus d'une fois de mon zèle et je me demandais si la Providence, qui mettait une rose blanche à son corsage, n'agirait pas d'une façon par trop humaine. Le soir, au cours sale, je cherchais en vain Pickering et je vis que ma confidence n'avait pas encore décidé Madame Blumenthal à abréger les visites de son soupirant. Je ne le rencontrai que fort tard, à mon grand dépit, car j'avais hâte de lui annoncer quel genre de service je venais de lui rendre. Il me prit le bras et m'entraîna vers le jardin. Il était trop agité pour me permettre de parler le premier. « J'ai brûlé mes vaisseaux, » s'écria-t-il dès que nous nous trouvâmes seuls. Je lui ai tout avoué. J'ai dit que c'était un supplice pour moi d'attendre sous le vain prétexte que je pourrais jamais l'aimer moins, que jusqu'à présent ma vie n'a été qu'un rêve hideux et qu'il suffit d'un modèle pour me... « Lui as-tu parlé de Miss Vernor ?» lui demandai-je gravement. « Je lui ai tout avoué, » te dis-je. « Le passé n'existe plus pour moi. Le passé peut sortir de sa tombe et me maudire. Il ne m'épouvante plus. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être libre. Ce n'est pas moi qui ai promis. Je n'existais pas alors. Je n'existe que depuis un mois. Ah, je ne suis plus le même homme. » Hier encore, j'avais peur d'elle. Aujourd'hui, je crains seulement de mourir de joie. Je m'étais tu pour lui laisser le temps d'exhaler toute son éloquence. En ce moment, il s'interrompit pour ôter son chapeau dont il se servit en guise d'éventail. « Explique-toi, lui dis-je enfin. As-tu demandé à Madame Blumenthal d'être ta femme? Que veux-tu donc que je lui demande? Et elle consent. Elle demande 3 jours pour se décider. Mettons en 4. Elle connaît ton secret depuis ce matin. Je me crois obligé de te déclarer que je le lui ai révélé. « Tant mieux !» s'écria Pickering. « Ce n'est pas une offre brillante que la mienne pour une femme comme elle. Et si cruelle que soit l'attente, je sens qu'il sera brutal de me montrer trop pressant. Que pense-t-elle de la rupture de ta promesse ?» Pickering était trop amoureux pour feindre le remords. « Elle pense, répondit-il bravement, qu'elle m'aime trop pour avoir le courage de me condamner. Elle convient que j'ai le droit d'être heureux. » Je me sentais intrigué. Ce n'était pas là l'effet que j'attendais de mon indiscrétion calculée. Mais maintenant, je ne pouvais plus intervenir. Tout ce que je pus faire fut de conseiller à mon ami de ne pas se donner la fièvre. Le lendemain matin, je reçus ce billet. « Mon cher ami, j'ai tout espoir d'être heureux. Je pars pour Wiesbaden, où j'apprendrai mon sort. Madame Blumenthal compte passer quelques jours dans cette ville, et elle me permet de l'accompagner. Je crois que tu peux me féliciter d'avance. Tu seras le premier à apprendre l'heureuse nouvelle. E. B. » 2 mois plus tard, en m'asseyant à la table de l'hôtel, je trouvai sur mon assiette une lettre portant le timbre de Wiesbaden. Elle ne contenait que ces mots. « Je suis heureux. Mon offre est acceptée depuis 1 heure. Juge de ma joie. Je puis à peine croire que je suis ton vieux E. P. » Pendant 8 jours, je demeurai sans nouvelles de Pickering. Dans le silence finit par m'inquiéter. Je lui écrivis. La réponse n'arrivant pas, je me rendis à son hôtel, où j'appris qu'on venait de lui envoyer ses bagages à Cologne. Un télégramme que j'adressai à mon ami m'en valut un autre, où il me priait simplement de le rejoindre. Quelques heures après, j'étais à Cologne. Je trouvai Pickering installé dans l'hôtel le plus triste de la ville, dans un grand salon à tenture grise, qui semblait avoir absorbé l'ennui exhalé par 10 générations de voyageurs. Il était pâle et défait. Son visage avait vieilli de 5 ans, mais au moins il pouvait se vanter d'avoir trempé ses lèvres dans la coupe de la vie, et j'étais désireux d'apprendre ce qui la lui rendait si amère. Cependant, je lui épargnais toute curiosité importune, me bornant à lui témoigner ma sympathie par une chaleureuse poignée de main. Nous essayâmes en vain de parler de Cologne, dont la pluie gâtait pour le moment l'aspect pittoresque. Eugène ne tarda pas à se lever pour se promener de long en large. « Ah ! S'écria-t-il. J'ai voulu savoir. Et me voilà certes plus avancé que je ne l'étais il y a 1 mois. » Alors, il me raconta avec assez de calme, comme s'il souffrait déjà moins de sa blessure, l'histoire des jours précédents que je me contente de résumer. Après s'être vu accepter un soir aussi clairement qu'il pouvait le souhaiter, il passa le reste de la nuit à confier le secret de son bonheur aux étoiles. Le lendemain matin, il se présenta chez Madame Blumenthal, qui refusa tout simplement de le recevoir. Il se promena pendant une heure ou deux et revint. Le domestique lui remit alors un billet qui ne contenait que ces mots « Laissez-moi seul aujourd'hui, je vous donnerai 10 minutes demain soir. » Les 36 heures d'attente parurent autant de siècles à Pickering. Cela va sans dire. Enfin, Madame Blumenthal le reçut. Avant qu'elle eût ouvert la bouche, il se reprocha d'avoir été assez sot pour s'imaginer qu'il la connaissait. On parle tous les jours de gens qui jettent le masque, c'est un lieu commun de romanciers. Cette fois cependant, la métaphore se trouvait justifiée. La dame se présenta à lui sans masque. « Regardez la pendule, dit-il, je vous accorde 10 minutes. Jouez-moi votre scène, arrachez-vous les cheveux, brandissez votre poignard, vous êtes congédié. » Ne sachant que penser, Pickering demanda une explication. « Je n'ai plus besoin de vous, » répondit Madame Blumenthal en s'asseyant. « Voilà mon explication. Tout cela était charmant, mais vous n'avez plus rien à m'apprendre. Je vous sais par cœur. »« Vous avez donc joué un rôle? Vous ne m'avez jamais aimé ?» s'écria Pickering. « Non, certes, cher monsieur. Je me suis contenté de vous étudier. Il manquait à mon grand ouvrage sur le non-moi immatériel un chapitre, dont vous m'avez fourni le fond. Mon livre est terminé. Bonsoir, merci. » Et c'est pour en arriver là que vous m'avez encouragé? Je n'ai pas eu à vous encourager. En tout cas, osez-vous plaindre. Vous me devrez l'immortalité, car vous serez imprimé tout vif. N'ai-je pas en somme été très bonne pour vous? J'ai reçu vos visites à des heures raisonnables et déraisonnables. Parfois elles m'ont amusé, parfois elles m'ont terriblement ennuyé. Vous étiez un cas si curieux, comment dirais-je, d'enthousiasme, que je me suis résigné. N'ai-je pas caressé vos rêves? Si je me montre un peu brusque aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. Vous auriez dû comprendre plutôt que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Voyons, n'avez-vous rien, rien à dire? Accusez-moi, maudissez-moi, accablez-moi d'invectives, je saurais me montrer indulgente. Pickering écouta cette sortie avec une espèce de torpeur. Il croyait sentir le sol céder sous ses pieds. Il s'imagina que Madame Blumenthal désirait le voir éclater en injures, et cette idée contribua à le calmer. Il prouva le besoin de respirer le grand air. « Quoi? Pas un mot ?» reprit la veuve, tandis que la main sur le bouton de la porte, il cessait de la regarder. « Ne vous ai-je pas assez parlé, moi? Alors, vous m'écrirez ?»« Je ne le crois pas, » répliqua Eugène. « Bon, dans 6 semaines, vous reviendrez me voir. Jamais, jamais !» C'est là un aveu de sottise, dit-elle. « Cela signifie que même après avoir réfléchi, vous serez incapable de comprendre la philosophie de ma conduite. » Le mot philosophie parut si étrange à Pickering qu'il ne trouva rien à répondre. « Votre passion, après tout, n'était qu'une affaire de tête, » continua la dame. « Peut-être avez-vous raison, » répliqua Pickering, et il s'éloigna. Le lendemain, il quitta Wiesbaden sur un vapeur qui descendait le Rhin. Il passa la journée à bord, ne sachant où il allait ni où il débarquerait. Il avait la fièvre. Il lui semblait qu'il venait de voir quelque chose d'infernal. Enfin, il aperçut les tours de la cathédrale de Cologne, et lorsque le vapeur s'arrêta, il mit pied à terre. « Il y a 8 jours que je suis ici, » dit-il en terminant son récit. « Je n'ai guère dormi depuis mon départ, et pourtant, ça a été pour moi une semaine de repos. Toutes les femmes, » ajouta-t-il, « sont perfides, menteuses, coquettes. » « Pas toutes, » lui dis-je. Il reste à Smyrne, dans un jardin au mur blanc, une jeune fille dont la philosophie se borne. Pickering s'éloigna sans attendre la fin de ma phrase. Quelques jours plus tard, il me parut en bonne voie de guérison, et je restai convaincu que le temps suffirait pour achever la cure. Je ne fis qu'une seule fois allusion à ses griefs, un soir que nous allions nous retirer pour la nuit. « Permets-moi de t'avouer, lui dis-je, que je trouve qu'il y a du vrai dans les assertions de Madame Blumenthal. Tu te servais d'elle intellectuellement, et elle te rendait l'appareil. » Il fronça les sourcils sans oser me démentir. J'attendis un peu dans l'espoir qu'il se rappellerait, qu'il avait quelque chose à me réclamer. Il n'y songea pas. Le lendemain, nous parcourûmes la vieille cité et nous visitâmes la cathédrale. Pickering se montrait taciturne. Je l'abandonnai à ses réflexions, le laissant assis en face d'un vitrail resplendissant. À mon retour, je devinais ce qu'il allait me demander. Avant qu'il eût ouvert la bouche, je tirai de ma poche la lettre qu'il m'avait confiée un mois auparavant. Je la posai sur mes genoux et je m'éloignai de nouveau. Une demi-heure après, je revins sur mes pas. Il avait disparu. Je regagnai l'hôtel et je le trouvai se promenant d'un air sombre dans sa chambre. Sans doute, j'aurais été fort embarrassé si l'on m'eût demandé quel effet la lettre devait produire. mais je m'étonnais de voir qu'elle l'avait irrité. « Tu as lu ?» lui demandai-je. « Oui. » « Et je suis obligé de faire amende honorable. J'étais injuste envers M. Vernor. »« Tu pensais qu'il t'adressait ta feuille de route, si j'ai bonne mémoire ?»« J'étais un sot. Il me donne mon congé. » Il croit devoir m'annoncer sans retard que sa fille, informée de l'union projetée, refuse de se regarder comme liée par un pareil contrat, et n'admet pas que de mon côté je sois tenu de m'y conformer. On lui a donné une semaine pour réfléchir. Elle s'obstine à trouver horrible l'arrangement en question. Après s'être montrée si longtemps soumise, elle ose enfin avoir une opinion à elle, à ce que m'apprend M. Vernor. J'avoue que cela me surprend. On m'a toujours représenté Isabelle comme l'incarnation de l'obéissance passive. Et c'est elle qui se révolte et insiste pour que l'on me dégage de ma promesse. Son père m'annonce même qu'elle menace d'avoir une fièvre cérébrale dans le cas où l'on voudrait user de contraintes. M. Vernor ajoute qu'il ne veut pas augmenter les regrets, que je puis lui faire l'honneur d'éprouver par la moindre allusion aux qualités morales et physiques de sa fille. Il espère, pour le repos de tous les intéressés, que j'ai d'autres vues. Il termine en disant que malgré ce contretemps, le fils de son meilleur ami sera toujours le bienvenu chez lui. « Je suis libre, dit-il, et il m'engage à compléter mon excellente éducation par une série de voyages. Si je suis tenté de me diriger du côté de l'Orient, il compte que je n'oublierai pas que je suis sûr de trouver à Smyrne un accueil amical. En somme, c'est une lettre fort polie. » Si polie qu'elle fût, Pickering ne paraissait nullement satisfait du poids dont elle débarrassait sa conscience. Il se montra très abattu. Pauvre garçon, l'expérience avait cruellement rogné les ailes de son imagination. Je le plaignais trop, pour lui rappeler que si, un mois auparavant, il eût consenti à briser le cachet de la lettre, il aurait échappé au purgatoire où trônait Madame Blumenthal. Je me bornais donc à le prier de me montrer la photographie de Mademoiselle Vernor. « Je n'ai plus le droit de la garder, me dit-il, et avant que j'eusse eu le temps d'empêcher ce sacrifice, il tira la carte de son portefeuille et la jeta dans le feu. « Il est fâcheux pour toi que Mademoiselle Vernor ait montré tant de résolution, lui dis-je, car je parierais qu'elle est devenue une jeune fille charmante. « Va t'en assurer, répliqua-t-il d'un ton de mauvaise humeur. Le champ est libre. Il m'est défendu désormais de songer à elle. « Voyons, me demanda-t-il en se tournant tout à coup vers moi, n'est-ce pas une rude déception pour un pauvre diable qui ne demande au sort que de vivre paisiblement dans son petit coin ? Je déclarai que c'était dur en effet, et qu'il avait le droit d'exiger que le destin lui fournît une nouvelle occasion de s'installer dans son coin. J'ajoutai que le conseil de M. Vernor était bon, qu'il avait tort de ne pas le suivre, et j'offris d'être son compagnon s'il voulait se distraire en voyageant. Pickering accepta sans grand enthousiasme, mais après une quinzaine de jours passés à visiter des galeries de tableaux et à admirer des monuments, je m'aperçus qu'il commençait à redevenir lui-même. Il retrouva jusqu'à un certain point la généreuse éloquence dont il avait fait preuve à Hombourg et cette fraîcheur d'impression que je lui enviais. Un jour que j'étais retenu à l'hôtel par une blessure au pied, il me régala à son retour à propos de certaines vierges ingénues de Hans Memling, d'une rhapsodie qui me parut plus sensée que ses éloges de Madame Blumenthal. Il avait ses heures de tristesse, ses retours vers le passé, mais je m'abstins de lui reprocher ses accès de mélancolie, car je m'imaginais qu'il en sortait un peu plus dispo et plus résolu. Cependant, un jour il se montra si sombre que je saisis le taureau par les cornes et lui dis qu'il se devait à lui-même de chasser de sa pensée tout souvenir de cette femme. Il me regarda d'un air étonné, puis me répondit en rougissant beaucoup. « Cette femme, je ne songeais pas à Madame Blumenthal. » À dater de ce jour, je m'expliquais sa tristesse d'une autre façon. Nous poussâmes jusqu'en Italie, et nous fîmes un assez long séjour à Venise. Ce fut là qu'arriva le dénouement auquel je m'attendais depuis quelque temps déjà. Nous avions passé la matinée à Torcello, et nous revenions, doucement bercés par les flots et par le chant des canotiers, lorsque Pickering s'écria « Me voilà à moitié chemin, je crois que j'irai. » Depuis une demi-heure, nous n'avions pas échangé une parole, et je lui demandais naturellement « Où donc veux-tu aller ?» Comme nous arrivions à la Piazzetta, il ne put me répondre immédiatement. Je sautai à terre le premier, et lorsque je me retournai pour lui donner la main, il me répondit « À Smyrne ». Il partit le soir même. J'avais soutenu que Mademoiselle Vernor devait être une charmante jeune fille. Et 6 mois plus tard, Eugène m'écrivit que Madame Pickering était une charmante jeune femme. Ainsi s'achève le premier amour d'Eugène Pickering de Henry James.